Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus comme une discussion de ces 10 jours du Festival Archipel. Voilà, ouais. Pendant toute la semaine, on a parlé des livres, enfin plus ou moins toute la semaine, parce qu'hier on a parlé de ma pièce, mais on a parlé surtout de la librairie. Et puis, toi, t'es arrivé samedi dernier, donc ça fait une semaine, Doris, que t'es ici. Je voulais savoir, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça ? Bah, vraiment, j'ai l'impression que le Festival Archipel, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai appris beaucoup de choses et découvert un style de musique que je connaissais pas du tout. Plein de différentes choses. Bon, maintenant, à mon avis, je crois que je vais un peu réécouter ma playlist parce que des refrains et des chanteurs connus qui chantent, ça va me faire bizarre, je crois, maintenant. Après une semaine de sons un peu bizarres et expérimentaux et voilà. Et alors, j'ai découvert plein de trucs ici pendant la semaine où ici je faisais les interviews à la radio et tout. Apprendre à me servir du logiciel Reaper, plein de choses comme ça. Et c'était vraiment chouette. Les gens sont super sympas. Et j'ai découvert aussi beaucoup de gens et d'artistes. Et est-ce que tu arrives à me dire un peu un événement ou un concert qui t'a vraiment marqué ? Oui, je pourrais pas en dire qu'un, mais j'ai vraiment adoré la représentation du Recueil des Miracles. Ça, je trouvais ça vraiment... ça m'a vraiment donné envie de danser un peu comme ça. C'était fort dans le corps et tout. J'ai vraiment bien aimé le concert dans le salon d'écoute. En plus, c'était la première, c'était le deuxième jour où j'étais là. Non, le premier jour même. Et c'était la première fois que j'allais dans cette salle. Et alors, je m'étais couchée comme ça dans les fauteuils. Et il y avait le concert de Cathy Lane, qui est une Anglaise. Et ça, je connaissais pas du tout. Et vraiment, c'était très intéressant. Et en plus, c'était la première fois que je découvrais la salle en haut. Et alors, ça me faisait tout bizarre. Et j'ai aussi quelque chose vraiment... que j'ai vraiment aimé dans la grande salle, un soir, Antoine Leng à la Guimbarde. Ça, c'était vraiment très calme et assez berçant, et je trouvais ça très chouette. Alors Doris, est-ce que tu penses que quand tu vas revenir à Bruxelles, tu auras envie de continuer un peu ces expériences, potentiellement aller voir des concerts, aller suivre un peu certains artistes que tu as découverts pendant Archipel ? Alors là, tout de suite, je crois que j'ai eu un peu ma dose. Mais pour le coup, ouais, peut-être dans quelques mois, peut-être que je recommencerai à continuer à creuser dans ces styles musicaux. À mon avis, oui, je continuerai à suivre certains artistes que j'ai découverts cette semaine. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu as aimé jusqu'ici ? Qu'est-ce que tu as préféré ? Parce que c'est quand même pas fini, hein. Il reste quand même quelques petits concerts avant la toute fin, mais qu'est-ce que tu as préféré Alors c'est vrai qu'on est là, on est samedi, et il y a encore pas mal de choses à écouter ce soir, demain, et c'est vrai que la programmation du week-end, elle est assez chargée, avec pas mal de choses que je me réjouis d'entendre. Moi, pendant le festival, les choses qui m'ont vraiment marqué, c'est avant tout un concert de Valerio Tricoli, dans le salon d'écoute en haut. Tu l'as rencontré, et vous avez beaucoup parlé, et c'est quelqu'un de... que je trouve d'assez particulier et qui a une approche aussi de la musique électroacoustique qui est très personnelle. Et surtout, il a une maîtrise technique et sonore qui est invraisemblable. Quand tu connais un petit peu les outils qu'il utilise, tout ça, c'est vraiment... Moi, je suis sorti, j'étais bouche bée. Et c'est vraiment été un concert marquant pour moi, même dans l'absolu, au-delà du festival, vraiment ces dernières années, ça reste quelque chose qui est vraiment important que j'ai entendu. Quelque chose d'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est effectivement Antoine Leng dans la grande salle avec la guimbarde. J'ai trouvé que c'était un moment très particulier et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et quelque chose d'autre aussi que moi j'ai beaucoup aimé, c'était à midi là, David Toop qui a fait sa sélection musicale pour le partage d'écoute à midi et nous a fait écouter une musique incroyable, vraiment c'était assez fou. C'était pas forcément une expérience, pas rien à voir avec la musique expérimentale, mais il y avait quand même une sorte d'étrangeté dans tellement de ces musiques qu'il a sélectionnées. C'était beaucoup d'enregistrements. Voilà, de documentaires glanés aux quatre coins de la planète. Et ça, ça va rester avec Valerio Tricoli, vraiment les grands moments de ce festival. Bon, bah, c'était vraiment génial de te rencontrer, Doris. J'ai adoré faire ça avec toi pendant ces 10 jours. J'espère qu'on se reverra tout bientôt, une fois que tu seras revenu à Bruxelles, peut-être à Bruxelles, ou toi à Genève. C'était une expérience... super chouette pendant 10 jours, présenter tous les matins un livre ou un disque ou un vinyle, c'était la première fois pour moi et pour toi, les interviews comme ça. Et c'était vraiment super chouette, merci, je suis contente d'avoir vécu cette expérience avec toi Vincent, à une prochaine fois. À bientôt. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.